Je suis imprévisible, veux savoir, mon rap n'est pas à l'école, mic n'est pas à toi. Dans ma life, je fais pas des torts. Qu'est-ce que tu fais? Mon rap est gonflé comme un viper devant des feuilles froissées. J'suis qu'un simple MC ou un simple rappeur. C'est le mic rasé sans cutter. Doucement des faces en puteur. Hamdoulilah avec les frères, je déplace par la puissance du créateur, le donateur. Ça leur dépasse, des combats sa splendeur. Qu'avec audace, on élève sa grandeur. Et ouais, j'suis l'imprévisible. Dans l'asphalte et j'communique avec mes frères qui purgent des peines sans limite. L'état garde le rire sardonique. J'revois mon ex, cette bombe anatomique qui me parle de clones de fric. Et je lui dis putain, on se revoit de suite. Elle me dit non, comment on se lave vite. Finir par un débat stupide. Et merde, c'est pour toi, promets public. Que je tape du bic, que je laisse des traces pneumatiques. En me disant que les années passent trop vite. Et je garde cette joie donnée par le nick. Le mic R-A-Z-I, l'imprévisible.